Un jour, j'étais presque encore une enfant. Un monsieur aux cheveux de neige et au sourire de légende a passé son bras autour de mon épaule. Il m'a dit « Regarde-les ». Et aux gens qui étaient là, il a dit « Regardez-la ». Moi, je tremblais comme une feuille. Devant moi, c'était le public. Mon premier public. Et j'avais peur. Et le monsieur aux cheveux blancs le savait. Alors sa main m'a serré très fort. Et comme s'il avait deviné que j'aurais toujours besoin de lui et qu'il ne serait pas toujours là. Il m'a donné quelque chose. Oh, rien de très important. Mais c'était beau. C'était comme une rose, monsieur chevalier. C'était comme une pierre qui montre le chemin. À l'heure de ma jeunesse, monsieur chevalier, quelle preuve de tendresse vous m'avez donnée. Amour, quel que soit l'homme qui vienne un jour, il n'empêchera pas que je vous aime. Je peux aimer un prince, oui, c'est notre prince, mais jamais ce nôtre. C'est une lettre, un peu simple lettre, que je vous écris là. Et votre main sur mon épaule me dit que vous êtes là. Tout comme ce premier soir où vous leur avez dit, regardez-la. Pour vous joindre où vous êtes, il se peut que ma lettre mette quelques siècles ou que j'arrive avant. Vous voudrez bien, je pense, la première. Sur cette terre-là, écrit pour une autre que moi, que vous avez aimé à la folie. Elle devait être exquise, la jolie Louise. Vous la preniez dans vos bras. Je peux aimer un prince, puis un autre prince. Jamais un autre cheval.